bonsoir et merci pour votre fidélité. Vous écoutez la RSF Bonécha FM émettant depuis Bujumbura. Il est 19h précise, le journal en français. Le journal vous est présenté par Willy Sindayehura. La mise en onde est assurée par Didier Irambona. D'abord, le sommaire. Œuvrant au ministère en charge de l'industrie et du commerce ne se mettent pas au travail. Ils seront tous limogés, vous l'entendrez dans cette édition. Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, l'a dit ce vendredi. Aucun commerçant n'a plus le droit de vendre les stands distribués par l'État dans les différents marchés. Ceux qui sont incapables de les exploiter doivent les remettre à l'État. Décision du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, nous l'avons aussi préparé. Et c'est vendredi, comme à l'accoutumée, la chronique économie. Et rendez-vous bienvenue. Bienvenue encore, débutons par la page sécurité. Trois magasins de pièces d'échange de téléphonie et une moto ont été incendiés dans la matinée de ce vendredi au 1er avenue du quartier Nyamugari, c'est dans la ville de Gitega. Certaines personnes témoignent que la cause de ce feu est la soudure utilisée par les réparateurs de téléphonie. D'autres affirment que ça a été dû aux problèmes électriques en provenance des sources énergétiques de la régie des eaux. Politique, à présent, chaque parti politique doit avoir un programme écrit à suivre durant ses activités quotidiennes. Ce sont des propos de l'abbé et expert Dieudonné Nibizi lors d'un atelier réunissant les partis politiques organisés par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Nibizi appelle les représentants des partis politiques à élargir le secteur de travail pour couvrir tout le pays. Suivez Dieudonné Nibizi. Un parti politique doit avoir son programme politique. Si un parti politique n'a pas de programme, c'est comme s'il n'existait pas, parce que ce n'est pas une idée. Un parti politique, c'est une vision de la société, c'est un idéal politique, c'est un idéal de gouvernance, c'est un idéal de gouvernement, plutôt de développement. Dans ce cas, un parti politique doit composer, élaborer son document de programme, lequel document sera utilisé dans la campagne, donc dans l'élaboration de la stratégie de campagne. Ce même document est utilisé pour constituer l'unité du parti politique, parce que les militants et les cadres du parti, quand ils se déplacent, ils doivent parler à travers ou à partir ce programme, et le programme aide aussi à résoudre certains conflits qui peuvent surgir au sein du parti politique, et c'est aussi un document de référence pour ceux qui ont été élus. Quand il faut faire des interventions, il faut toujours être cohérent avec soi-même, c'est-à-dire avec son parti. Qui dit son parti dit aussi donc avec son programme politique. C'était Abbé Dieudonné Nibizi, de la politique à l'économie. La mauvaise exploitation et la mauvaise gestion des ressources naturelles car au pays, ainsi que la faible connaissance en la matière, sont les principaux manquements qui bloquent le développement au Burundi. Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, l'a dit l'avant-midi de ce vendredi lors d'un atelier organisé par la Banque de la République du Burundi, BRB, sur les défis qui hantent le développement au Burundi. Suivez Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi, traduit enfoncé par Gilbert Luyange. Étudions pas passer à gauche et à droite les défis qui hantent le développement au Burundi. Après cette étude, nous serons à mesure de prendre des mesures qui s'imposent. Ainsi, vous aurez contribué à aider le gouvernement burundais en clarifiant sur ce qu'il faut pour ne pas rater le développement. Mais j'ai pas mal de connaissances là-dessus. La cause de son manque de progrès est économique et l'ignorance et la paresse. Sinon, le bon Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Ces pays développés, qu'est-ce qu'ils ont de plus que notre pays? Ces pays ont des minéraux. Ils ont une nature, les gens intellectuels qui sont à mesure d'apporter les solutions au développement durable. Est-ce que nous n'avons pas cela au Burundi? Il faut bien réfléchir là-dessus, car nous ne sommes pas sans intelligence. Quand j'analyse comment les Burundais vivant et œuvrant à l'étranger, ça donne au développement des pays dans lesquels ils y sont, mais dans leur pays natal, être incapables de le faire. Je dis bel et bien que c'est là notre aveugleté de conscience. C'est vrai, nous avons de bonnes intentions, bonnes idées, mais si nous arrivons à la mise en application, le constat est qu'il n'y a pas de personnages bien outillés à la matière. Évariste Ndayishimiye, numéro 1 Burundi, mais également en garde le ministère en charge de l'industrie et du commerce. Quel autre personnel sera affecté pour relancer le secteur au cas où son ministère ne se précipite pas pour trouver solution aux lacunes soulevées par les intervenants dans ce domaine? Ndayishimiye soulève les irrégularités lui adressées par certains partenaires, de même que les opérateurs économiques. Évariste Ndayishimiye. Ensemble, le développement est possible. Nous sommes obligés de conjuguer nos efforts car la population à la base est au travail. Je m'adresse en particulier aux hommes d'affaires et aux investisseurs, donc tous les opérateurs économiques. Faites des études approfondies afin que nous relancions ensemble l'économie de notre pays. Vous êtes engagés à prendre le devant en ce qui concerne l'économie. C'est la signification de notre titre. Et ainsi, voyant que la population à la base est à l'œuvre, vous devrez tout faire pour trouver le marché des coléma à cette population à la base. Lancez-vous également à la transformation des matières premières et produits bruts, tout en cherchant aussi les marchés de vos produits. Comme dirigeant chargé de l'administration, mes tâches ne se limitent qu'à l'obtention des matières premières à vous de transformer. Je m'adresse avec insistance à ceux qui œuvrent au ministère en charge de l'industrie et du commerce. Ce n'est pas le moment de croiser les bras. Nous n'avons plus besoin d'entendre des lamentations des opérateurs économiques comme quoi il manque ceci ou cela suite au manquement à l'action du ministère. La plupart des investisseurs dénoncent l'irrégularité et ne pas accomplir ce que doit faire ce ministère en charge de l'industrie et du commerce. Je vous le promets, nous allons tout faire pour que ce ministère soit actif et en cas d'incapacité de marcher à notre rythme. Nous les écarterons tous. Ce que nous avons besoin, c'est une bonne production et arriver à avoir quoi exploiter à l'étranger. Nous devons venir à cela à tout prix. Si nous remarquons qu'au sein du gouvernement, il y a des défaillances, ces défaillances seront écartées et si cela apparaît, nous saurons comment les adapter à notre rythme. Heureusement que la ministre concernée est ici avec nous. Son message est bien transmis. C'était Évariste Ndayishimiye, il est président du Burundi, traduit en français par Gilbert Ruyangé. Et de l'autre côté, les stands distribués par l'État dans les différents marchés ne sont pas à vendre. C'est du moins ce que rappelle Gervain Dilakobucha, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Dilakobucha signale que s'il s'avère que ces bénéficiaires ne soient pas capables de les exploiter, ils seront obligés de les remettre à l'État. Il exige tous les commissaires des marchés à ne pas signer les contrats de vente de ces derniers. Suivez Gervain Dilakobucha, il est traduit en français par Silver Bigiliman. L'État construit des marchés et donne des stands à quiconque qui veut l'exploiter. Mais ce qui est étonnant, il y a beaucoup de stands que l'État a prêtés aux particuliers qui sont maintenant inexploitables car les commerçants propriétaires sont incapables de les utiliser. Où vont ces stands? L'État m'a octroyé un stand. S'il arrive que je tombe en faillite ou bien quand mon capital devient minime, après le commissaire du marché signe que je vends ce stand dans un contrat de vente. Est-ce que vous savez la nature du contrat que vous signez? L'État m'a donné un stand dans un marché pour l'utiliser dans le commerce, mais non pour le vendre. J'ai entendu qu'au marché de Rumera, un stand s'achète à 6 millions. Quelqu'un vend à 6 millions et puis il veut acheter une maison habitable à Charama. Et vous, le commissaire de marché, vous signez et puis vous allez chez le notaire pour apposer sa signature. Pourquoi l'État n'a pas passé chez le notaire avant de donner un stand? Vous, le commissaire, il faut vérifier avant de signer. L'État donne un stand pour y travailler. À défaut de cela, on ne peut pas le vendre. L'État peut transformer la place du marché en une place de l'école. Le marché est public. L'État peut changer le marché pour y faire d'autres choses. Un commissaire qui donne un accord de vendre un stand, qu'il sache que demain ou après-demain, les choses vont changer. Qu'on arrête à travailler illégalement. C'était Gervais Ndirakoucha, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, traduit en français par Sylvère Migiliman et direction Makamba. Les commerçants des produits baroudis dans les bars modèle B à Makamba se lamentent contre la mesure prise par le gouverneur de la province. Cette mesure consiste à suspendre les activités commerciales dans les bars modèle B. Ces commerçants indiquent que leurs droits sont bafoués et demandent au gouverneur de revenir sur cette décision. Après une courte pause, l'actualité continue. Certaines stations de la mairie de Bujumbura ont été approvisionnées en carburant depuis la soirée de ce jeudi, même s'il s'observe encore d'autres stations qui n'ont qu'un seul type de carburant. C'est après le communiqué du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines faisant état de la quantité suffisante de carburant alors qu'il s'observe la pénurie de ces produits ces derniers jours. Les propriétaires des stations saluent le pas déjà franchi. Alice Ndaïdé. Sur différentes stations visitées à mairie de Bujumbura, il y avait du carburant le matin de ce vendredi, bien que dans quelques-unes avait une seule sorte de carburant. Au sud de la capitale Bujumbura, en zone Kanyosha par exemple, à la station Mogasi se trouva au King Star et Kanyosha, il y avait du carburant de toutes sortes et la distribution était normale. Même constat à la station Kibenga qui se trouve au parc du Bolagane et à la station Delta à côté du petit séminaire Kanyosha. Tout carburant était en quantité suffisante. À la station service Momi se trouva à Kinindo sur l'avenue d'Ilar, communément appelée chez Mouanya, il y avait aussi du carburant de toutes sortes, de même qu'à la station dorsale. Les pompistes de toutes ces stations se réjouissent de la situation qui s'est renormalisée. À la station Kanyosha City, on y trouvait seulement le carburant de type Mazoutou, tandis qu'à la station Delta, située à l'avenue Mosso en commune Mukaza, et Interpétrole, située au boulevard de l'Iprona, n'avait que l'essence. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, le porte-parole du ministère de l'Hydraulique, Énergie et Mines, Leonidas Sindaigaya, avait tranquillisé les consommateurs qu'il n'y a pas de pénurie de carburant, affirmant que quelques défis qui s'observaient à travers le pays résultent de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement de ce produit. Merci Alice Ndaïdé, et la responsabilité sur la stabulation permanente revient aux éleveurs car l'élevage des vaches est en premier à bénéfice personnel lorsqu'il est bien géré. Alain Guillaume Erugnoni, le Premier ministre burundais, l'a dit ce jeudi dans une conférence de presse. Les éleveurs ne devraient pas impliquer le gouvernement dans la gestion de leurs affaires privées, souligne Erugnoni. C'est au moment où la loi sur la stabilisation permanente sera mise en vigueur le 4 octobre cette année. Alain Guillaume Erugnoni. Il y a des vieillards à qui j'ai parlé sur le sujet de stabulation permanente. Ils se sont moqués parce que pour eux, c'est inconcevable l'interdiction de la divagation de leurs animaux domestiques. Parce qu'ils l'ont fait toute leur vie. Je pense que les temps ont évolué. Même trouver le berger sera quasiment impossible. Ils n'auront plus le temps de rester derrière les vaches. Les éleveurs doivent comprendre que les temps ne sont plus les mêmes. Nous n'avons plus de terre pour ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'ils s'organisent dans la gestion de leurs biens et sachent bien qu'ils sont obligés de changer leur façon d'élever leur bétail. Et ceux qui seront incapables, qu'ils changent de métier. Les vaches est un investissement. Peut-être que quelqu'un a 2 ou 4 ou même 6 ou 10 vaches, qu'ils investissent bien et que ce capital produise les moyens pour bien traiter ces vaches. Les gens doivent savoir que leur bétail ne devrait pas nuire les champs d'autrui ou même les arbres que nous avons planté dans notre projet de Ewe Burundi Urambaye. C'est intolérable. Que chaque personne soit responsable de ses vaches, celui qui a des questions, qu'il cherche les éclaircissements auprès des agronomes et l'administration à la base, tout ce monde l'aidera avec des conseils avisés. Mais la loi doit être mise en application. Franchement, arrêtez de demander au gouvernement de traiter les affaires privées. Le gouvernement a ses responsabilités et la population a les siennes. Surtout qu'on ne mêle pas le gouvernement dans les affaires privées. C'était Alain Guillaume Erugnoni, le Premier ministre. Bon, d'être traduit en français par Seif Iladukunda. Après une courte pause, le journal continue. Santé à présent et à Ruyigi, désormais, personne ne prendra les médicaments du Covid-19 à son domicile, sauf si les places dans les hôpitaux sont saturées. Ce sont les propos tenus par le médecin provincial sanitaire de Ruyigi. Docteur Léopold Ndikuliyo l'a dit ce jeudi dans une réunion des chefs des services œuvrant dans cette province en vue de lutter contre la Covid-19 et la société Bujumbura Cleaning Company chargée de collecte des ordures ménagères en commune Mukaza rejette en bloc les informations fournies par les habitants de Nyakabiga par rapport à l'irrégularité dans son travail. Eric Samoumoukiza, directeur commercial à BCCO, fait savoir que ces personnes qui donnent de telles informations sont celles qui ne paient pas correctement. Suivez. Nous avons entendu les gens de la localité de Nyakabiga parler que nos agents de recouvrement seraient passés le matin et que par conséquent ils ont travaillé avec la police. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est que la police quotidiennement vaque à son activité et que nos agents de recouvrement sont là pour vaquer à leur activité. Alors je dirais que ils ne se rencontrent pas parce qu'ils se sont convenus qu'ils vont partager le travail. Alors, hier, nous avons entendu qu'il y a certaines gens qui sont passés effectivement. Quand nous sommes passés à la vérification de ces personnes qui auraient donné ces informations, nous avons trouvé que ce sont des gens exactement qui n'opèrent pas correctement nos services. Et nous remarquons avec regret et consternation que la plupart des gens qui ne parviennent pas à payer nos services, ce sont ces gens qui le plus souvent cherchent à donner des informations, des fois qui ne sont pas correctes. Ils disent que la société est irrégulière, ils disent qu'ils ont fait sortir ces ordures ménagères, qu'ils n'ont pas été collectées. Mais ce que je dirais ici, c'est que bien évidemment, nous avons connu un certain moment où nous avions un problème du lieu de décharge, mais je vous informerai que nous venons de passer toute une année sans en connaître aucun problème du lieu de décharge. La société BCCO Bujumbura Cleaning Company le dit après les grognes des habitants de la zone Nyakabiga faisant état des irrégularités dans le travail et d'enlèvement des ordures ménagères. Après une courte pause, la chronique économie. Chronique économie sur Bonne FM. La pénurie du ciment Bousséco est devenue une casse-tête pour certaines maçons et commerçants. Ces derniers affirment qu'il n'est pas facile d'obtenir ce type de ciment et que même si l'on parvient à s'en approvisionner, son prix est exorbitant. Certains marchés de vente du ciment se trouvaient dans la capitale économique Bujumbura. Le ciment produit par Burundi Cement Company est introuvable. Certains maçons qui l'utilisent pour construire se lamentent qu'ils trouvent difficilement le ciment produit par Bousséco. Ils ajoutent qu'une fois ce ciment trouvé, ils l'achètent à des prix exorbitants. Quand le ciment Bousséco est présent dans le marché, le prix peut atteindre jusqu'à 30 000, mais sur la facture, on écrit 24 500. Pour éviter la suspension de nos travaux, on finit par l'acheter de toute façon en se basant sur le budget dont on possède. Le problème, c'est que ce genre de situation incite des mésententes entre les propriétaires des chantiers et les maçons. À côté de ces maçons, les vendeurs et aussi n'ont pas d'avis contraire à l'avis de ces derniers. Ils affirment qu'ils dépensent beaucoup pour acheminer ce ciment depuis l'endroit où ce ciment est trouvé jusqu'à leur endroit de vente. Pour les gens de classe moyenne, on ne sait pas quoi dire. C'est au gouvernement de prendre les choses en main car le ciment est devenu problématique. Même les distributeurs de ce ciment sont sont complices de cette pénurie parce que dès qu'ils l'obtiennent, ils le cachent dans des hangars et le distribuent par sélectivité. Vu la façon dont ils vendent ce ciment, on dirait que c'est de la drogue. Par après, c'est nous qui devenons victimes de ces manigances. C'est pour cela que quand une personne de classe moyenne obtient du ciment de Bousséko par fraude et qu'il le revend, si les forces de l'ordre te mettent la main dessus, c'est fini pour toi et ton business. Souvent, on observe le ciment transporté vers quelque part, mais c'est difficile de savoir où il est vendu. Dans le quartier d'Asiatique, un camion peut apporter 50 sacs de ciment. Après avoir distribué 30 sacs, on ne sait pas pour ce qui est du reste, alors qu'un camion peut transporter des centaines de sacs de ciment. Quant à l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Orcom en Sigre, le patron de cet observatoire, Gabriel Rufiri, affirme que la pénurie du ciment est causée par pas mal de facteurs et demande à l'État de donner permission à pas mal de personnes de travailler dans ce secteur pour que cette question soit levée. L'Orcom observe dans ces derniers jours la pénurie de certains produits. Il y a le ciment à Dobuseko. Nous pensons que les causes sont nombreuses parce que nous avons vu que dans ces derniers jours, il y a eu, par exemple, des informations selon lesquelles le gouvernement aurait décidé de donner en priorité les devises à certaines entreprises, mais aussi il y a un problème de monopole. Il y a un problème déjà qui cache ces produits pour bénéficier beaucoup. Il faut que le gouvernement mette en place une politique qui favorise les mesures qui pourraient encourager les partenaires. Cela étant ainsi, au moment où ceux qui ont des dépôts de ciment produits par Burundi Cement Company, Bousséko en Sigre, affirment que le ciment ne vient pas dans ces derniers jours comme il faut. Merci, Vena Nyomungere, 19h23. C'est par là que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à tout un chacun pour sa collaboration. Merci à Didier Irambona pour sa collaboration technique. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeura. On suit le programme.